certains principes, je suis laxiste. Sur d'autres, tatillons. Rester droit tout le long de son parcours, tel papillon. Une moitié pointilleux, l'autre éparpillé au beau milieu de toutes les tentations. Nauséabonde, au même titre que les phrases du genre, les fils d'esclaves des plantations et les joséabondes. Appelle ça terre-terre, j'appelle ça gravillon. Rien faire, c'est comme si nos situations nous aggravions. Pour que ça rentre dans les crânes via les oreilles comme un coton-tige. Que les bonnes meufs et même les gros tons pigent. C'est vulgaire, tant pis, j'assume. Je ne chanterai pas ce que veulent entendre les ados en mal de sensations. Rester plein de contradictions, libre de toute addiction. Addition, pisser sur les traditions. Trahir mes propres principes, pas question. Sinon y'a trop de bastons. De Bastille à mon bastillon. Institution et taf nous tiennent par les couilles à longueur d'année. Le but c'est de trouver de quoi s'occuper, se marrer. Sur 7 milliards, y'en a au moins une moitié d'année. Mais toi, ce qui te les casse, c'est de trouver une place où te garer. Comptez pas sur moi pour m'égarer. J'ai des projets, me barrer et revenir vous le narrer. Mais je vais faire comme plein, rester là, morfond. Attendre après une mort fun, m'en faire pour des impôts à déclarer. Et le serpent se mord la queue. Les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.